tout est bétonné, je vois du goudron et du ciment partout. Les filles de joie sont maltraitées, les différences sont dévastées. Tout mettre à plat, ils n'y arriveront pas, la vie déjà est faite comme ça. On est, on vieillit, on meurt, ça monte, ça descendra toujours. Gravité, on tourne tous autour d'un point donné.